Audiomatique. En introduction de la transmission 030 d'Audiomatique, vous avez peut-être reconnu la célèbre voix de la défunte chanteuse américaine Janis Joplin que Matthew Peters a utilisée pour créer la pièce Acid Jig qui se retrouve sur l'album Not Afraid of Spiders de son alter ego musical Mad Hippie. Les électronistes sont de retour comme chaque mercredi pour offrir de la musique électronique de tous les horizons et de différentes époques. Notez toutefois qu'à partir de la semaine prochaine, soit à compter du mercredi 6 mai, les transmissions d'Audiomatique seront diffusées en direct à partir de 17h. Alors que vous soyez dans votre voiture au retour du travail, dans votre cuisine à préparer le repas, ou tout simplement en train de boire une bonne bière sur votre patio, les électronistes espèrent que vous vous joindrez à eux pour apprécier ces moments passés en leur compagnie. À cette blabla maintenant, lançons sans attendre la prochaine séquence musicale avec 9 Seconds, la pièce Pompeii, une version remixée par le projet Framework. trying to contrive by using something to sing. As high as we can get, trying to get dry by using something wet. Once the pigs are drowned, there will be more around. Not too big to fail, it doesn't even count. Fighting against death with even more of those, like against cocaine with a higher dose. Nations are collapsing, strangled by brute greed. Illusions vastly growing, so with toxic seed. Thank you. Le projet The Empath nous offrait une version exclusive d'une de ses plus récentes compositions, la pièce Trackology, version Special Derivative, se retrouve sur le volume 5 de la compilation Emerging Organism, produite par l'étiquette de disque Tympanic Audio. Avant The Empath, nous entendions la pièce Pompeii de la formation 9 Seconds, une version qui était remaniée par le projet Framework. Cette version se retrouve sur le tout nouvel album EP de 9 Seconds intitulé Anti-Star Machinery. La version originale apparaît quant à elle sur l'album Nothing to Confess. C'est maintenant au tour du projet québécois Space Full of Astronauts de nous convier à une épopée musicale à Audiomatic. Rock. C'est fou, 89.1. Tout juste avant la pause publicitaire à Audiomatique, il s'agissait du projet Spaceful of Astronauts, mené par Jean-Pierre Mercier, également chanteur du groupe québécois Handful of Snowdrops. Il nous présentait ici la pièce-titre du premier album de Spaceful of Astronauts, soit l'album Nano Music, qui a été enregistré en 1995, mais qui est paru en 2009. Toujours à l'émission Audiomatique, la prochaine pièce que les électronistes vous présentent est tirée d'une œuvre majeure de la musique, dans l'histoire de la musique électronique. Cette œuvre, c'est la trame sonore du film Forbidden Planet, composé en 1956 par Lewis et Bebe Baron, un couple considéré aujourd'hui comme pionnier de la musique électronique. Ils ont en effet réalisé la première trame sonore entièrement électronique d'un film commercial hollywoodien. La musique composée pour ce film de science-fiction produit par Metro-Goldwyn-Mayer s'appuie sur une technique inventée par Lewis Baron lui-même et inspirée par le livre Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine du mathématicien Norbert Wiener. Cette technique consiste à construire des circuits électriques et à les manipuler pour générer des sons électroniques. C'est dans cet esprit d'ouverture et d'innovation propre aux compositeurs de cette époque que nous écoutons maintenant le thème principal du film Forbidden Planet. Thank you. Le projet homonyme de l'artiste canadien Kevin Key terminait cette séquence avec la pièce Dr. Seymour tirée de l'album The Dragon Experience. Notons que les pièces constituant cet album ont été composées en 1984-85 par Kevin Key et Ken Iwatt Marshall. Le premier des deux est bien connu comme membre fondateur de la formation Skinny Puppy, alors que le second se distingue davantage dans la composition de trames sonores pour films et jeux vidéo. Avant Kevin Key, nous entendions le projet Another View du compositeur Adrian Smith, mieux connu grâce à son projet subséquent qui se nomme Click Click. De Another View, nous avons entendu Paper Guns, l'une des nombreuses pièces formant le coffret de 6 vinyles intitulé A Career in Dancing, un coffret qui retrace les expérimentations sonores d'Adrian Smith entre 1979 et 1981. Ce beau coffret de collection vient tout juste de paraître sur l'étiquette de disque Vinyl On Demand. Et on amorçait cette séquence avec le thème principal du film Forbidden Planet, dont la trame sonore fut composée en 1956 par le couple formé de Lewis et Baby Baron. Rappelons qu'il s'agissait du premier film hollywoodien à s'appuyer sur une trame sonore entièrement faite de musique électronique. Pour clore cette transmission 030 d'Audiomatique, nous entendrons une pièce popularisée à l'époque par le chanteur français Jacques Dutronc, soit « Mini, Mini, Mini », qui se retrouve sur son premier album homonyme paru en 1966. Vous comprendrez qu'à Audiomatique, nous n'entendrons pas la chanson originale, mais plutôt la reprise qu'a fait le groupe KMFDM sur leur album « How Rook ». Voilà donc qui mettra fin à l'émission de ce soir. N'oubliez surtout pas que dès mercredi prochain, le 6 mai, les transmissions d'Audiomatique débuteront à 17h. D'ici là, n'hésitez pas à visiter notre page à facebook.com/audiomatique-cfou pour accéder à nos anciennes transmissions. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent dans quelques minutes. Mais tout juste avant, voici la chanson de Jacques Dutronc, « Mini, Mini, Mini », interprété par KMFDM. Bonne semaine!